France interroge alors qu'elle c'est leur directeur. Une tribu de bonne sœur, incendie de Sacré-Cœur. Des soldats cannibales rôtissent leur général. 300 patrons qui craquent pour sauter la baraque. Et un vieux bon chinois sous pétrole le minois. Le froid tue la fillette qui n'a plus d'allumé. Des Iraniens enflamment le corps de l'oncle Sam. Des sauteurs sympas me portent d'un grand feu de choses. Un gang de pyromanes se croit au paradis. Les pompiers en ont marre, c'est la grève aujourd'hui. Il y a le feu partout, c'est la fête des fous. Il y a le feu partout, vive le feu, vive les fous. A vive, a vive, a vive le feu. A vive, a vive, a vive le feu.